Voilà, alors ce petit schéma est un petit peu aride aussi. Donc il s'agit d'une analyse statistique où justement on compare l'évolution de l'abondance de toutes ces espèces dans les années 90 et dans les années 2000. Et cette analyse statistique nous sépare les espèces selon qu'elles ont une abondance qui augmente ou une abondance qui diminue. Et donc on retrouve de ce côté-ci du schéma les espèces dont les abondances ont augmenté. Alors vous avez les abondances en 1993-94 et en 2006-2007. Et de l'autre côté du schéma, des espèces dont l'abondance a plutôt diminué. Et ensuite, on a sur ce schéma aussi la projection donc des températures, des caractéristiques des espèces en termes de tolérance à la température. Et on se rend compte, évidemment, c'est assez intuitif, mais ça, et c'est le cas, que les espèces dont l'abondance a diminué sont plutôt les espèces subtropicales, alors que les espèces dont la tolérance aux températures sont plus élevées, donc les espèces réellement tropicales, elles ont tendance à augmenter. Ça ne veut pas dire qu'elles ont bénéficié, qu'elles sont plus à l'aise parce qu'il fait encore plus chaud. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en jeu. On a des questions de compétition entre les espèces. Oui. D'accord, donc j'approche un peu plus le micro. Voilà, voilà, donc la température est un des paramètres qui joue, mais bien sûr, si certaines espèces diminuent et qu'elles sont en compétition avec d'autres, alors la compétition diminue et les espèces et les autres espèces peuvent avoir plus de nourriture disponible, plus d'espace dans l'habitat pour se développer. Donc il y a beaucoup d'autres paramètres, mais toujours est-il que là, on a, disons, des premiers indices qui montrent que peut-être le réchauffement des eaux aurait un effet sur la répartition des espèces. Alors on a l'exemple d'une raie. En fait, on a trois espèces de raies principales qu'on observe sur le littoral de la Guyane. Donc ce sont les raies d'Asiatidae, les raies pastenagues. Deux espèces sont tropicales et une espèce est subtropicale, donc d'Asiatis americana, qui est la raie subtropicale. Et cette espèce, qui était très abondante, qui était plus abondante que les deux autres dans les années 90, aujourd'hui est devenue plus rare que les autres espèces. Alors, tout ça est à prendre avec précaution, puisqu'il y a plusieurs paramètres qui peuvent jouer, dont notamment des impacts de la pêche, par exemple. Bon, on y reviendra un peu plus tard. Voilà, alors connaissant, comme je le disais tout à l'heure, la répartition des espèces à l'échelle des océans, eh bien, on peut en déduire les tolérances aux températures et aux autres facteurs de l'environnement. Donc vous avez ici, par exemple, la coupa rouge, donc une des espèces phares pour la pêche en Guyane. Et donc, connaissant sa répartition, on en déduit l'ensemble des paramètres environnementaux qui lui conviennent, à savoir la profondeur, la production primaire, et la température principalement. Et puis, on peut s'amuser donc à simuler l'impact d'une augmentation de la température de 1 degré sur l'habitat potentiel de l'espèce. Non pas sur sa répartition, puisqu'elle dépend d'autre chose que de la température, mais de l'habitat potentiel. Sur la coupa rouge, si on augmente d'un degré la température des océans, alors là, il ne s'agit pas d'une augmentation dans le cadre d'un scénario, puisqu'il existe des scénarios de réchauffement des eaux, et le réchauffement n'est pas homogène, mais ici, on n'a pas de scénario qui soit suffisamment proche des côtes pour pouvoir les utiliser. Donc on a simulé un réchauffement homogène de 1 degré sur l'ensemble de l'océan. Alors là, par exemple, pour la coupa rouge, eh bien, on voit que son aire de répartition se restreint ici à la région nord de l'Amérique du Sud, et que du coup, en Guyane, l'habitat n'est plus du tout favorable. Sur le mâchoir en jaune, donc, qui a une répartition ici qui part de l'est de l'embouchure de l'Amazone jusqu'au sud des Caraïbes et au Venezuela, et là, le constat avec une augmentation des eaux de 1 degré, est le même. Il n'y a plus d'habitat favorable en Guyane. Sur le vivano rouge, autre espèce phare, alors là, c'est la même chose. Voilà, je ne vais pas vous passer toutes les espèces, il n'y en a que quelques-unes. Alors le mérou, par exemple, qui est une espèce d'intérêt aussi. Voilà, donc là, l'habitat est quand même plus... c'est une espèce dont la répartition est un peu plus vaste. Et là, cette fois, un réchauffement de 1 degré, finalement, ne modifie pas tellement sa répartition, ou du moins sa présence, en tout cas, en Guyane. Le croupier roche, là, pas de changement non plus. la loubine, pas de changement. Voilà, ce sont des espèces qui ont des aires de répartition plus vastes et donc plus tolérantes à des changements de température.